LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Si vous descendez de nuit la dernière côte de la route de Saint-Malo à Dole, pour peu qu'il y ait un léger voile de brume sur le sol plat du marais, vous ne savez de quel côté de la digue est la grève. À gauche et à droite, c'est la même immensité morne et muette. Nul mouvement de terrain n'indique la campagne habitée. Vous diriez que la route court entre deux grandes mers. Où passe à présent le chemin, la mer roule à ses flots rapides. Ce marais de Dole, c'était une baie. Et chose merveilleuse, car ce pays est tout plein de miracles, avant d'être une baie, c'était une forêt sauvage. Le conteur Paul Féval narre une histoire merveilleuse, celle de la forêt de Sissi, une forêt broussailleuse, en lieu et place de la mer, engloutie par un raz-de-marée ou peut-être une marée équinoxiale. Les légendes courent dans la baie du Mont-Saint-Michel, car depuis l'installation des bénédictins, les moines se livrent à une libre interprétation des textes latins et d'un texte fondateur, la Révélation. C'est le roman du Mont-Saint-Michel. Il faut justifier des temps présents, de la valeur du sanctuaire et de l'aspect inouï de la volonté divine. Ce raz-de-marée de l'année 709, qui est le fruit d'un contresens. On a cru qu'en effet, qu'une forêt avait été engloutie, la forêt de Sissi. Et j'allais dire, cette légende qui va naître tardivement vers le 14e, 15e siècle, pas avant, de siècle en siècle plus exactement, va s'agrandir, jusqu'à devenir au 19e siècle quelque chose d'extraordinaire, puisque cette forêt s'étendait même jusqu'à Jersey et Guernesey. C'est une légende, et qui, comme toutes les légendes, a la vie dure. Au cours du temps, la forêt qui entourait le Mont Saint-Michel a disparu parce que le niveau de la mer montait progressivement d'année en année, de siècle en siècle. Et pourquoi est-ce que ce moine du 9e siècle raconte cela? Eh bien parce que dans la baie, il découvre en effet des restes d'arbres qui sont très anciens, qu'il n'arrive pas à dater comme nous le faisons aujourd'hui. Nous, ces arbres, ils ont 5000 à 7000 ans d'âge par rapport à aujourd'hui. Mais les moines qui le voyaient pouvaient penser que c'était un argument en faveur de la légende. Nul raz-de-marée dans la baie du Mont-Saint-Michel. Légende et spiritualité au Mont-Saint-Michel. escalier de la mer. Alors nous sommes dans l'escalier des dits escaliers des moristes. Dans la cage de l'escalier, contre la façade de la merveille, a été posé ce bas-relief, sculpté par Barré vers 1860, et qui nous montre un épisode tout à fait important de l'histoire du Mont-Saint-Michel, puisqu'il s'agit de la révélation. La révélation Ecclesiae Sancti Michaelis, qui est l'épisode au cours duquel Aubert, que l'on voit représenté ici, Aubert, évêque d'Avranches, on le voit représenté avec ses attributs, reçoit nuitamment la visite, en songe, de Saint-Michel. Donc, lorsque Saint-Michel lui demande, lors de sa première visite, de construire un sanctuaire sur le mont Tambre, qu'il montre de la main droite, désignant ce rocher pointu, dépourvu de toute construction, eh bien, au réveil, comme il s'agit d'un songe, il ne s'exécute pas. Saint-Michel reviendra donc, deuxième fois, et demandera, deuxième fois également, à ce que ce vœu soit accompli. Et là encore, Aubert ne s'exécutera pas. Le relief que nous voyons ici nous montre la troisième visite, la plus déterminante, la plus musclée aussi, parce que là, cette fois, Saint-Michel n'a pas envie de revenir, il veut être tout à fait clair avec Aubert et lui pose sur le front ce doigt qui va laisser son empreinte jusqu'à la boîte crânienne du saint en question, puisqu'il va y imprimer une marque indélébile, le crâne percé d'un trou. Crâne conservé, je crois. Oui, absolument. La relique est toujours visible dans le trésor de l'église Saint-Gervais d'Avranches, à la fois offerte à la dévotion des fidèles, mais également aux curieux qui souhaiteraient en savoir plus. Et ce crâne est bien perforé. Ah, le crâne est bien perforé. Alors ça a beaucoup intrigué les historiens, voire même la faculté de médecine, savoir pourquoi ce crâne était percé. S'agissait-il d'une trépanation néolithique ou plutôt de cette maladie étrange qui est une maladie congénitale que l'on appelle l'épidermoïde perforante, qui est une malformation de la méninge et qui fait que le sujet qui a vécu avait bien un trou dans la boîte crânienne et probablement une petite poche sous le crâne, sous le cuir chevelu qui ne l'a pas empêché de vivre. Mais peut-être de songer davantage. Mais il y a là quand même quelque chose d'extrêmement fort, parce que le crâne, c'est le siège de la pensée. Donc on dit toujours aussi, mets-toi ça bien dans le crâne. Donc d'une certaine façon, sans trahir ceux qui souhaitent croire à ce miracle et sans préjuger de son exactitude, en tout cas, il y a là le point de départ d'une histoire fabuleuse qui est l'histoire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Parce que à partir de cet événement, Aubert va créer, on est en octobre de l'année 708, il va fonder le premier sanctuaire à partir duquel l'histoire de l'architecture et surtout l'histoire de la spiritualité chrétienne sur le mont va s'écrire. C'est les fameux songes d'Aubert. Non pas des apparitions, des songes. Aubert n'a pas eu d'apparition à proprement parler, d'après la révélation, ce ne sont que des songes. Et on sait, depuis les premiers textes chrétiens, que quand l'homme dort, son esprit se libère du corps et peut rentrer en contact avec le monde céleste. Donc on accorde une très grande importance aux songes. Et quand l'archange Saint-Michel demande à Aubert de construire un édifice, eh bien, il va considérer, dans un premier temps, qu'il a peut-être fait un mauvais rêve, un mauvais songe, mais par la suite, il va le prendre au sérieux. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une apparition. Dans ces lieux, oui, proches du sublime, qu'on voulait on souhaitait construire à l'aune de la majesté de Dieu. Pourtant, dans les premiers temps, vinrent des ermites. Des ermites qui plutôt vivaient de façon très simple. Oui, tout à fait. Les ermites se retirent un petit peu du monde parce qu'ils méprisent le monde. Il y a une expression latine, contemptus mundi, le mépris du monde, c'est-à-dire le mépris du siècle, des œuvres de Satan, voilà, tout ça est synonyme. Et on se retire dans des lieux isolés, voire désertiques, pour se consacrer à la prière et vivre de façon très ascétique. C'est un mouvement qui, à l'origine, était venu des pères du désert, c'est-à-dire du Moyen-Orient, et qui s'est diffusé à travers tout l'Occident chrétien, avec un succès, en effet, tout à fait particulier, dans les îles britanniques et en Irlande. Mais ces moines qui viennent peupler, qui participent à ce qu'on pourrait appeler les premiers temps chrétiens, oui. D'où viennent-ils ? Ce sont vraisemblablement des gens du voisinage, et les moines venaient se retirer quelque temps sur ce qu'on appelait le mont Tombe à l'époque, avant qu'il ne s'appelle le mont Saint-Michel. Et ils se faisaient entretenir, nourrir, par un prêtre qui vivait à Astériac. Et au signal de fumée qu'ils envoyaient, il y avait un âne qui venait apporter les provisions pour quelques jours, quelques semaines. L'âne était si bien dressé que depuis son départ d'Astériac avec sa charge, jamais il ne se serait arrêté ou n'aurait pu se tromper de chemin. Jusqu'au jour, je ne sais pas comment, un loup qui passait par le chemin le rencontra et le terrassa. Après l'avoir attendu bien longtemps sans le voir venir, les moines s'étaient tous mis en prière, quand Dieu leur envoya le loup qui avait mangé leur bête de somme. Il avait la mine d'un coupable. Son humble douceur les persuada qu'il avait dévoré leur âne. Ils lui ordonnèrent donc de s'acquitter désormais auprès d'eux du service que leur âne accomplissait. Ces injonctions furent suivies des faits. Il porta le sac pendant bien longtemps. Le texte de la Révélation parle d'ermites qui venaient d'un monastère voisin et qui venaient prier ici. On parle de deux oratoires dédiés à Saint-Étienne et à Saint-Symphorien et qui ont probablement été installés ici par Saint-Père, qui est un des évêques d'Avranches, prédécesseur de Saint-Aubert. Et il est le grand évangélisateur, il a fondé plusieurs monastères. Il faut imaginer que la Manche, loin d'être une frontière, ce qu'elle deviendra avec la guerre de Cent Ans, la Manche était plutôt un trait d'union entre ces îles et le continent et notre région. La Normandie n'est pas tout à fait encore la Normandie, et surtout, elle n'est pas tout à fait chrétienne. À Avranches, dès le IVe siècle, il y a une cathédrale. Mais on voit que l'évangélisation, elle s'est faite surtout dans les villes. Et il est clair que, quand on regarde la vie de Saint-Père, partout il renverse des idoles, partout il fonde des églises. Et on peut supposer qu'effectivement, l'évangélisation a été un peu lente. Jusqu'au Xe siècle, il y a certainement encore des regains de paganisme. Tout autour du mont. Mais ces moines sont dans des frêles embarcations, je crois, embarquent certains. Alors on a imaginé des traversées, y compris dans des auges en granit, côté breton. Dans une église, on conserve une auge qui aurait servi à la traversée de la Manche. J'ai des doutes. En fait, on voit comment le mont, dès l'époque de Saint-Père et de Saint-Aubert, est étroitement lié à l'évêché d'Avranches. Le mont est une frontière. Avant d'être la frontière entre la Normandie et la Bretagne, la Normandie à l'époque n'existe pas encore, et la Bretagne, c'est pas non plus grand-chose, le mont est à la frontière entre les deux diocèses. Et cette frontière, le Couesnon, elle reprend probablement une frontière remontant à l'époque gauloise, entre les tribus gauloises. And it's as if somebody were filling a strangely shaped cup with water from a tap somewhere close to your ear. And you have the memory of vast distances with hawks on the horizon, where the world became a kind of ache. You can hear the wind, the godfather beating his ice wing. Saint-Michel est un archange, et il est également, c'est un patron de l'évangélisation. C'est un archange qui a quitté l'Orient pour venir en Occident. Le culte de l'archange Saint-Michel va se diffuser dans l'Asie mineure, d'une part, en Jordanie, en Israël et en Égypte, dans le monde grec. Et il va se développer dans ce monde oriental parce que, à cette époque, les gens croient beaucoup aux démons, aux êtres intermédiaires, c'est-à-dire entre l'homme et la divinité, il y a énormément de puissances mystérieuses qui sont pas tout à fait divines, mais presque divines. Donc, l'archange Saint-Michel a une histoire un peu particulière, parce que, comme tous les anges et les archanges, dans le monde juif, les anges et les archanges sont les intermédiaires entre l'humanité et la divinité, entre Dieu et les hommes. Dieu manifeste sa volonté aux hommes par les anges et les archanges, par des apparitions. Et les hommes font connaître à Dieu leurs désirs et leurs souhaits en priant les anges. Donc ce sont les intervenants. Avec le christianisme, il y a un changement considérable. C'est que, dès les premiers temps, en particulier dès saint Paul, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Il y a une sorte de concurrence qui pourrait être malsaine, hein, entre les anges intermédiaires et le Christ intermédiaire. Et c'est pour ça que saint Paul et les autorités religieuses, pendant 4 siècles, vont quasiment, non pas interdire le culte des anges, mais faire en sorte qu'il ne se développe pas. Et donc, Saint-Michel signifie également à l'image de Dieu à l'instant, non le oui, sens. Alors, la signification de Michael signifie qui est comme Dieu avec un point d'interrogation. Qui est comme Dieu? Où est le point d'interrogation? Dans le terme hébreu, Michael, ça ne veut pas dire celui qui est comme Dieu, point. Ça veut dire qui est comme Dieu. C'est une interrogation. Et donc, qui est comme Dieu? Ben, la réponse, on l'attend. La réponse, elle est toute faite. Elle est dans la Bible, dans la Genèse. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc, qui est comme Dieu, la réponse est l'homme. Je pense que l'habit du Mont Saint-Michel était très très convoité en tant que symbole, surtout. Je pense que cette figure qui est toujours bien présente au-dessus, physiquement au-dessus du monastère aujourd'hui, cette figure de Saint-Michel est une figure tutélaire qui a une importance très importante dans le monde occidental. Et si les donateurs se sont précipités au mont et s'ils ont voulu faire un peu d'ingérence dans la vie du monastère, c'était précisément pour pouvoir finalement apparaître politiquement, dans ce contexte où Saint-Michel est très important. On le voit bien avec la fondation, même du premier sanctuaire, avec l'évêque d'Avranches qui installe un culte à l'archange sur sa frontière. Finalement, c'est ça, hein. C'est une façon de mettre sous protection divine, protection de Saint-Michel, une frontière face à la Bretagne, qui est une terre qui est en cours de colonisation par des peuples qui viennent d'outre-Manche, hein, de Grande-Bretagne. Donc il y a une sorte de danger géopolitique là qui s'instaure, comme partout, hein, dans le monde encore aujourd'hui. Donc on vient mettre la frontière sous la protection symbolique de l'archange Saint-Michel. Les ducs de Normandie, 2 siècles plus tard, font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils marquent à nouveau la frontière de leur duché en transformant un modeste sanctuaire en véritable abbaye bénédictine. On voit la même opération se redire, en quelque sorte, à la fin de la guerre de Cent Ans avec Louis XI, qui crée l'ordre des chevaliers de Saint-Michel, et qui identifie, dans une espèce de mythologie royale, le Mont Saint-Michel comme le symbole de la résistance du royaume de France face à l'envahisseur anglais. On retrouve systématiquement cette volonté de se rapproprier ce lieu, du côté des rois ou des grands seigneurs, en étant des bienfaiteurs. Et quand Saint-Louis, au XIIIe siècle, vient au Mont-Saint-Michel en pèlerinage, il vient à deux reprises, il dépose sur l'autel de l'abbatiale un grand sac d'or, alors qui n'est pas pour renouveler la garde-robe des moines, mais pour fortifier le village. Hein, donc on voit qu'à chaque fois, mais c'est pareil dans n'importe quel contexte abbatial, hein, on intervient pour se glorifier d'une certaine manière de sa générosité face à ou en faveur d'une figure aussi importante que l'archange Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, comme toutes les abbayes de France et d'Europe, du monde occidental chrétien, sont des lieux de pouvoir et des lieux alors de pouvoir juridique, mais aussi de pouvoir économique. C'est un peu le centre névralgique, le siège social en quelque sorte, de grands domaines fonciers qui sont qui interviennent dans le champ de la production agricole, de la mise en œuvre d'outils collaboratifs que sont les moulins, les fours, enfin toutes ces choses qu'on dit bien dans le monde médiéval. Donc ce sont des gens qui organisent la vie à l'échelle d'un territoire, la vie économique, mais pas uniquement, puisque les gens sont aussi des salariés de l'abbaye, ils travaillent pour le compte du monastère. Donc ce sont des pourvoyeurs d'emplois. En quelque sorte, hein, on estime à plusieurs milliers de personnes les gens qui, sur le pourtour de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, sont en fait des employés du monastère. À quelle époque ? Bon, ça commence très tôt, hein, dès les premières donations, donc dès la fin du Xe siècle, on rentre dans ce système d'organisation économique du territoire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comment tu peux prendre cette décision sans réellement nous consulter? L'heure est trop grave pour nous tous. Et qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais attendu de vous avoir parlé pour connaître la position de chacun. Mais peu importe la réponse, c'est le principe même de la communauté qui est remis en question dans ton attitude. Il ne faut pas penser que le Mont Saint-Michel est uniquement sur son rocher, parce qu'il avait des domaines très étendus, des terres. Il se battait même pour garder ses terres. C'était d'âpres négociations avec les ducs et princes et rois. Le Mont a dû se constituer un immense territoire. On ne peut rien cultiver, ou presque, sur ce petit rocher. Et l'abbaye vivait des revenus de ces domaines et la nourriture arrivait par bateau depuis les prieurés que l'abbaye possédait partout sur le pourtour de l'abbaye. Je pense à Saint-Père qui fournissait le poisson, c'est un port, à Ardevon pour le blé. Et on voit bien que le mont vivait de ses apports extérieurs. Et les moines du mont ont construit là-bas des bâtiments pour centre d'exploitation agricole et où on stockait sans doute les denrées qui étaient acheminées par bateau au mont. On retrouve des manoirs aussi. Oui, des manoirs, parce qu'on le voit dès le 12e avec Bernard Dubec qui construit à Brion, sur la commune de Dragé, un joli petit manoir pour aller se reposer. Il emmène des moines de temps en temps, il y a même un bois où ils vont à la chasse. Alors ça, c'est au milieu du 12e. Mais à la fin du Moyen-Âge, il y a de véritables manoirs superbes construits par les moines du Mont qui ont du mal à vivre sur le rocher. Il faut dire que la promiscuité, c'est quand même pénible. Et aller à la campagne, aller au vert, ça sert aussi peut-être un petit peu de maison de retraite à un moment, c'est important. Donc voilà, le Mont vit de cet arrière-pays. Et il y a cette interaction permanente. Et on va trouver le reflet des constructions du Mont partout dans la campagne, tant côté normand que côté breton, et en particulier dans ses propriétés qui appartenaient à l'abbaye. Je vous préviens s'il y a une marche, hein, parce que vous jouez une partie dangereuse. Là, hein. On descend à droite. Nous apercevons derrière nous une roue. Oui. Quel était l'usage? Alors, cette roue a permis vraisemblablement dès la période médiévale à monter des charges très lourdes, soit de nourriture, soit de pierre, de mortier. Et il y avait des hommes dans la roue qui faisaient, par contrepoids, monter ces charges qui pouvaient peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Une abbaye bénédictine comme celle-ci devait employer dans tous ces domaines quelque chose comme 10 à 20 000 personnes en permanence, hein, qui vivaient des ressources de l'abbaye et qui rendaient des services soit sous forme de corvée, soit sous forme de salaire. Avec le rapide développement des richesses de l'abbatiale, les bénédictins veillent à la diffusion des savoirs et à la gloire de Dieu. autonomie de la communauté qui préfère désigner elle-même l'abbé ou nomination politique, l'influence des ducs bretons et normands par de nombreux dons ou coups de force agite la vie politique du Mont-Saint-Michel. Certains moines s'exilent sur les îlots voisins pour manifester leur refus, leur choix d'un ascétisme plus pur. Mais la grande œuvre du monde demeure cette cité des livres. Exégèse et copie, formation des clercs sont les préoccupations de la grande entreprise bénédictine. Et c'est très impressionnant de voir ce gigantesque volume du réfectoire des moines, quand on se dit que cette salle n'a jamais été chauffée, qu'ils y prenaient leur repas midi et soir sans chauffage, et que cette vaste salle très longue, percée par 57 fenêtres, était destinée à une communauté qui n'a jamais été plus importante que 60 moines. Donc, ils avaient vu large. Comment peut-on se figurer la vie d'un moine au XIIe siècle ? Alors, les moines, en général, sont tenus au silence pratiquement tout le temps. Ils ont des possibilités de parler, en particulier le matin, quand ils se réunissent à la salle du chapitre, où l'on règle les problèmes qui se sont posés dans la journée de la veille, et on en discute. S'il y en a qui ont commis des erreurs, eh bien, on leur impose une petite pénitence. Alors, il y a des cachots, y compris pour les moines, ici. Et tout à fait. Donc, ils ont voix au chapitre. C'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de parler, mais si on est novice ou si on n'a pas tous les ordres jusqu'à la prêtrise, là, on n'a pas voix au chapitre. On ne parle pas. Pendant le repas, on lit en général une vie de saint ou un texte de Grégoire le Grand, voire un passage de la Bible, peu importe, mais on écoute. Il y a également des moyens de communication par signes. Si on veut se demander le pain, le sel, le vin, il y a des signes de la main. Ceci signifie le poisson. Vous voyez, une forme ondulée montre que je voudrais reprendre du poisson. Mais on ne parle pas. Dans un livre devenu célèbre, Le nom de la rose, il est dit que les moines ne sourient pas. C'est romancé. Oui, c'est du roman d'Umberto Eco, évidemment. Mais on peut dire quand même que les moines ont le sens de l'humour, on le voit dans les textes, ils ont le sens de la plaisanterie, même si c'est pas toujours exprimé comme de nos jours. Les moines ont la mission de manifester dans leur allure, et dans leur physionomie, j'allais dire, la joie du ressuscité, pour reprendre une expression de la Bible. C'est pas avoir une mine renfrognée, que certains auront à certaines époques, pour des raisons idéologiques, mais pas à l'époque médiévale. Et j'ai entendu rire, et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence. Oui, c'est vrai. Saint-François, parfois, ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri. En sommes-nous si sûrs ? Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur ait ri. Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'ait pas ri. On sait que les saints eux-mêmes usaient de la comédie pour ridiculiser les ennemis de la foi. Donc on peut imaginer ici, dans ces murs, une bibliothèque importante. Et ce qui est étonnant, c'est que, à la fois, on peut imaginer que les moines vivent dans un espace plutôt de clôture, et à la fois dans une immense ouverture du monde, par ces manuscrits qui leur proviennent. Ils sont, en effet, par les manuscrits qu'ils possèdent, à l'écoute du monde. Et, j'allais dire, à l'écoute du temps passé également, et des richesses du temps passé. Parce que, au monastère du Mont-Saint-Michel, on le sait, il y a des particularités qu'on ne trouve dans aucun autre monastère. C'est Aristote. À partir du XIIe siècle, on s'aperçoit qu'au mont on dispose des traductions de Boèce en version latine et que très tôt, on s'intéresse à d'autres traductions latines qui sont faites en Espagne et en Sicile, des nouvelles traductions faites soit à partir du grec, soit à partir des textes arabes. Et dès qu'il y a une nouvelle traduction qui apparaît, eh bien, aussitôt, elle est copiée au Mont-Saint-Michel. On s'intéresse à Aristote. Et quand on regarde les manuscrits d'Aristote, on s'aperçoit que dans les marges, il y a des annotations, donc il y avait des moines qui étaient capables de comprendre Aristote. Il y avait des moines qui lisaient couramment, qui s'intéressaient à la philosophie aristotélicienne. Alors que l'Église, se méfiait beaucoup de ce philosophe. Alors que, à l'époque où le monachisme bénédictin se développe, le grand philosophe antique que l'on adopte, c'est Platon. Platon, avec cette idée que le monde qui nous entoure n'est que le reflet d'un monde idéal que l'on ne voit pas, qui est invisible, eh bien, Platon convenait parfaitement à l'idéal chrétien, avec le monde de la création qui nous entoure d'une part, et qui est, à l'image d'un monde invisible qui est celui de Dieu. Donc, Platon est véritablement l'auteur que l'on christianise facilement. Alors que Aristote est quasiment interdit de citer, parce que Aristote, lui, bon, bien sûr, il a une conception d'une divinité qui a créé le monde, mais il s'intéresse uniquement à la structure du monde créé, si je puis dire, au jeu des causes, au jeu trompeur des apparences, et il va en quelque sorte être mis de côté, alors que Platon reste celui qui a droit de citer, comme je le disais. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie, et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage ? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Non, là, je ne suis absolument pas... Assez ! Pardonnez-moi, vénérable Jorge. Mes propos, en effet, étaient déplacés. Quel était l'écritoire du traducteur de grec ? Celui-ci. Qu'est-ce que lisaient les moines ? Tout, de tout. Et puis on a des curiosités aussi. Ah oui ? Il y a pas eu plein qui témoignent d'une immense curiosité dans le monde bénédictin de cette époque. Et ça, c'est une grosse différence aussi que l'on peut faire avec le monde épiscopal. Exemple tout bête, on conserve ici à Avranches l'index de l'évêque d'Avranches. Donc c'est ce registre dans lequel on note scrupuleusement tous les ouvrages qui sont interdits, mis à l'index par Rome. Or, ces livres, on les retrouve dans la bibliothèque des moines du Mont-Saint-Michel, qui eux acquièrent parce qu'il est utile d'avoir une vision encyclopédique de la connaissance, y compris les encyclopédique ouvrages. Encyclopédique de l'époque. Oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, ils acquièrent en 1765 l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, dont on a l'exemplaire ici. Bon, pas les textes polissons de l'Hydro. Alors, on ne va pas jusque-là, mais on aurait pu imaginer qu'un ouvrage comme celui-ci arrive. Non, c'était tout à fait possible. Les manuscrits voyagent au rythme des hommes. Et le monde médiéval est un monde extraordinaire de la circulation. Les hommes sont constamment sur les routes, et en particulier les clercs. Donc, ils ont dans leur besace toujours quelques manuscrits qu'ils vont porter dans un autre monastère. Ils achètent aussi, je crois, des manuscrits. Alors, plus tard, parce que ça coûte très cher. Mais jusqu'à cette époque-là, ça se passe dans les monastères où l'on copie les manuscrits que l'on a empruntés ou qui sont de passage. On connaît par exemple à Saint-Évroult un moine qui interroge un Anglais qui est de passage et lui dit « Est-ce que tu as des manuscrits dans ta besace ?» Il lui dit « Oui, etc. » Il regarde et il y a une vita Guglielmi, c'est-à-dire une vie de Saint-Guillaume que Ordéric ne connaît pas, que le Et Ordéric va, pendant la nuit, profiter de la présence de ce manuscrit pour passer sa nuit à recopier le manuscrit pour que le lendemain matin, au moment où il part, il puisse rendre le manuscrit. Le Mont Saint-Michel constitue, par son scriptorium, l'un des six grands monastères normands avec Fécamp, Jumièges, Saint-Vendry, Saint-Ouen et Saint-Évroult. Il y a véritablement au Mont une école dans l'Humilure en particulier, une école de copistes, et on voit que par exemple quand Guillaume va conquérir l'Angleterre, il va choisir quatre moines pour les mettre à des postes de responsabilité en Angleterre. Donc c'est qu'il considère que la formation au monastère Montois est une excellente formation pour en faire ensuite de brillants évêques ou de brillants abbés en Angleterre. Est-ce que les cachots se trouvent à cet emplacement-là ? Alors, il y a certainement eu un cachot à l'époque romane et encore au XIIIe. On a une salle de justice magnifique qu'on appelle Bellechaise pour la justice seigneuriale. Ce qui est étonnant, c'est qu'il existe des lieux de prière qui sont à quelques dizaines de mètres des cachots. Pour la justice seigneuriale, il n'y a rien de choquant à cela. Dans toutes les abbayes, je connais bien d'autres abbayes de Normandie, on a encore, je pense au prieuré Saint-Gabriel, je pense autrefois à l'abbaye aux hommes à Caen, ou à Cerisy, où le cachot existe encore, près de la porte du monastère, un petit cachot pour la justice seigneuriale. L'abbé est un seigneur et sur les terres de l'abbaye, il doit rendre la justice. Donc il n'y a rien de choquant à ce qu'il y ait eu un cachot au Moyen-Âge et probablement un gibet à l'entrée du village. Pas quand les preuves sont irréfutables, comme ici. Une sorcière, un moine séduit des rites sataniques. Qu'on les enferme et qu'on puisse tous dormir en paix. C'est... Guillaume s'est installé dans la pièce qui est au-dessus de nous, la fameuse cage. Et cette cage, qui devait servir en fait plutôt la nuit. On sait que le roi faisait enfermer ses prisonniers la nuit parce qu'au moins ils ne pouvaient pas s'évader. Longtemps, la cage fut exhibée. François Ier y enferma Noël Béda, funeste homme qui mise à la torture les humanistes et connut les affres des barreaux pour avoir critiqué le roi. Les moines furent geôliers et veillèrent les pamphlétaires et les exilés sur les lettres de cachet. Victor Hugo ne s'y trompe pas. Des spectres en guenilles qui se meuvent dans des pénombres blafardes sous les vieux arceaux des moines, des hommes hideux et gris qui ont l'air d'araignées énormes, le charmant cloître à ogives si délicate transformé en promenoir sordide. Mais la grande époque de la prison, elle commence réellement avec la Révolution, qui transforme l'abbaye en une énorme prison. Et cette prison, elle va occuper l'abbaye jusqu'à la fermeture en 1863. Donc c'est là vraiment que se situe la période de la prison, avec des centaines, voire un millier de prisonniers en 1830. On parle de 600 prêtres réfractaires. C'est ça ? Pendant la Terreur, effectivement, les prêtres réfractaires d'abord. Paradoxe, c'est qu'on vient de chasser les moines et on enferme des prêtres dans l'abbaye. Mais l'immense majorité des prisonniers, pendant tout le 19e, ce sont des droits communs. Il y a quelques politiques, comme Barbès, voilà le cachot où Barbès aurait séjourné. Qui est Barbès ? Barbès, c'est un républicain célèbre avec Blanqui. Ils ont été enfermés ici par Louis-Philippe. Et évidemment, ils se répandent dans la presse. Les journaux républicains parlent de cet enfermement et parlent de l'abbaye comme un lieu horrible. Et c'est là que naît véritablement, sous la plume des journalistes républicains, à travers les lettres qu'envoient les prisonniers du Mont, la légende noire avec les oubliettes envahies par la mer, les cadavres enchaînés. Voilà, la cage n'existe plus, ça a été horrible. Mais on fait du Mont, on crée une légende horrible et qui survit encore aujourd'hui avec les musées en bas dans le village où on voit Barbès, Blanqui en cire, où on voit la cage de fer reconstituée. Je vais faire les visites historiques dans la journée, le spectacle et l'entrée des cachots, les prisons, le périscope, les oubliettes, les tortures, l'enlisée des sables mouvants. La visite historique, le pont à la mer, les personnes qui désirent faire le tour, ça démarre dans un instant. Avec le billet, on peut tout voir. Les quatre musées sont ensemble. Je vais faire les visites dans l'après-midi. Profitez. Ça va démarrer dans un instant, les quatre musées, les cachots, les personnages, le périscope, le spectacle sur l'histoire. Je vais faire le tour organisé dans l'après-midi. Avec la poussette, on peut. Hein. Vous avez un départ dans moins de 2 minutes. Ok. Le spectacle, les personnages, les cachots, les prisons et toute l'histoire du Mont-Saint-Michel, ça va démarrer dans un instant. Aujourd'hui, jour de l'Ascension, une messe est dite. Oui, dans l'abbatiale. Cette nef est assez longue, elle a eu plusieurs emplois. L'église n'a pas toujours été synonyme de vie comme aujourd'hui, avec ses touristes et ses visites. Non, effectivement, pendant la période carcérale, la nef de l'église avait été divisée, dans les années 1820, par 3 planchers. La partie basse servait en 1833, j'ai retrouvé un plan aux archives nationales, de réfectoire pour les détenus politiques. Au-dessus, il y avait des ateliers de fabrique de chapeaux de paille et il y avait un espace, un des étages, dans cette nef qui était utilisé par les enfants. Je crois on compte 90 enfants à un moment et qui devaient travailler dans les ateliers de tissage à côté des adultes, mais qui visiblement étaient séparés des adultes pour le couchage. Une sorte de pénitentiaire pour enfants. Oui, oui, tout à fait. On le voit, hein, moi, dans les archives, il y a vraiment la difficulté pour l'administration pénitentiaire de faire cohabiter les politiques, les droits communs, les femmes et les enfants. Alors on va évacuer les femmes au milieu du 19e. L'administration essaye de créer des prisons pour femmes dans les chefs-lieux de département. Et puis ben, on va essayer aussi d'évacuer les enfants parce qu'une mère de famille qui arrive en prison avec ses enfants, elle vit avec eux. Et puis ben, l'administration essaye plutôt de les envoyer ailleurs. Et c'est dramatique parce que c'est les orphelinats, en fait. La seule réponse que l'on trouve, malheureusement, souvent. Donc ce sont des enfants qui sont enfermés parce qu'ils ont commis des larcins ou ce sont des enfants de prisonniers ? Les deux. On a à la fois des enfants qui arrivent avec leurs parents. Et il y a des enfants qui naissent hein, dans la prison. Et puis on a aussi des jeunes délinquants qui ne sont pas encore majeurs. Hein, la majorité est à 21 ans. Et qui sont enfermés par décision de justice. Donc on a, voilà, quand on dit les enfants, ça regroupe deux entités totalement différentes. Quelles sont les traces dans l'église abbatiale de ces planchers, de cette prison ? La nef, en 1834, il y a un terrible incendie. À nouveau, l'histoire de l'abbaye est jalonnée de ces incendies. Il y a les incendies et puis il y a les effondrements. Alors là, c'est un incendie, provoqué probablement d'ailleurs par les prisonniers. La nef brûle. Et le jeune directeur est blessé en essayant de lutter contre le feu. L'aumônier qui vient d'arriver, qui a été charpentier, compagnon du devoir, prend la tête des gardiens et des prisonniers. Un certain nombre de prisonniers politiques vont, à ce moment-là, commander en quelque sorte la lutte contre l'incendie. Un certain Colomba qui va s'évader peu de temps après. On a sauvé l'abbaye de l'incendie, mais il reste aujourd'hui des traces. C'est la couleur rouge des pierres, la couleur laissée par le feu. J'espère que je supporterai assez bien l'isolement absolu auquel nous sommes soumis. On n'exagère point en disant que le Mont-Saint-Michel est un des plus curieux monuments que renferme la France. Quant à moi, je pensais surtout en y arrivant aux pauvres condamnés de jeûne. Je voudrais vous donner des nouvelles de mes camarades de captivité, mais tout ce que j'en sais, c'est qu'ils combattent avec succès, chacun de leur côté, l'ennemi commun du prisonnier, l'ennui. Armand Barbès. Voilà, c'est une des portes de l'époque carcérale conservée. Et quelle époque carcérale ? Alors là, on est probablement en 1830. Donc c'est une porte cloutée, soit du chêne, soit du châtaignier, aussi plus épaisse qu'un poing. On peut apercevoir donc des écritures de prisonniers, 1827 à 1846, un visage, 33 ans. Ouais. Un grand nombre de graffitis, avec ici notamment un prisonnier qui s'est dessiné et qui compte les différentes années passées enfermées dans les différents cachots de la vie. Alors par exemple, il y a les loges. Les loges, c'était sur le toit du cloître. Pénitencier, il y a tout un vocabulaire, une géographie de l'abbaye, de la prison qu'on a perdue. Le cachot. La consigne, etc. Et il totalise 19 ans de souffrance. Et à la fin, il a dessiné un cercueil avec le mot repos. Et là, il y a quelqu'un qui compte 536 fois d'un bout de la salle à l'autre pour faire une lieue. Lui, il fait du sport. Hein. En haut, il y a un marchand de chevaux. Le nom est rayé. Voilà, il faut imaginer qu'ils ont un clou récupéré quelque part et que c'est avec ce clou qu'ils ont gravé sur le bois ces inscriptions. Et donc, des graffitis comme celui-là, de l'époque carcérale, malheureusement, on en a peu, parce que, je répète, des architectes qui vont restaurer l'abbaye vont effacer la mémoire de la prison. Et en fait, c'est à l'église Saint-Pierre qu'on a peut-être le souvenir le plus visible de l'époque carcérale. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de boiseries autour de la statue de Saint-Michel, d'hôtels néo-gothiques, qui ont été sculptés par les prisonniers. C'est-à-dire que, pour occuper les prisonniers, dans les années 1860, le jeune directeur et l'aumônier, qui vont procéder d'ailleurs aux premières restaurations de l'abbaye, vont lancer un atelier de fabrication de mobilier d'église. Et on va faire réaliser par les prisonniers des éléments en bois sculptés de style néo-gothique. Cette modeste église, en contrebas de l'abbaye triomphale, abrite aujourd'hui un homme de Dieu. Il médite de longues heures assis sur une chaise en bois tout au fond de l'église et offre des prières de délivrance aux hommes et femmes qui croisent son chemin. Qui dit prière de délivrance, dit prière de baptême ou d'exorcisme. Il a connu d'autres Bastilles des Mers, les pénitentiaires pour enfants et les derniers condamnés à la peine de mort. Saint-Michel, joie des anges, toi qui terrasses le malin, je ne sais si tu goûtes l'ironie de la situation. Père Riton, pourfendeur des prisons, avocat des anges rebelles, se trouve au Mont Saint-Michel. Cet homme-là ne craint pas les causes perdues. Et toi, Saint-Michel, à qui offres-tu ta protection? Pourquoi êtes-vous venu au Mont Saint-Michel, Père Riton, puisqu'on vous surnomme Père Riton? Je suis de la région. Les campagnes un peu, et quand j'étais gamin, j'étais dans un orphelinat où le dimanche on n'avait pas grand chose à faire, donc on allait en promenade. Et on allait en promenade entre autres dans 3 km, 4 km du bourg, et on allait sur un petit village qui s'appelait Montjoie, Saint-Martin, la Putte-au-Quarrier, d'où on voyait le mont. C'était le but de la promenade, on allait voir le mont. Et donc le mont a toujours été un lieu qui m'a intrigué, voilà. Et j'y suis venu très tard, mais je l'ai aperçu pendant des années au moins. Il s'est fait désirer, je pense. Voilà. Oui. Vous avez été éducateur en prison de longues années, je crois. Voilà, oui. J'étais 35 ans exactement éducateur à la prison de Fleury-Mérogis. Et puis j'ai monté une association pour les gens qui étaient à la rue dès 1978, parce qu'il y avait énormément de gens qui sortaient de prison qui ne savaient pas où aller. Pas toujours évident. Oui, c'était assez... L'ambiance était très lourde. Hein. Moi, j'y suis allé dans la prison parce que c'est un ancien qui m'a mis un jour dans le bas de la page. Pourquoi tu ne viendrais pas faire l'école en prison? Voilà, ça a commencé comme ça. Parce que la prison, quand j'en entendais, c'était fait pour les voyous, les bandits, les salopards. Mais ce jeune de l'orphelinat qui était avec moi, c'était ni un bandit, ni un voyou salopard. C'était un jeune qui avait loupé sa vie et qui est venu en prison. Et donc, je lui ai écrit quand il m'a écrit. Voilà, et ça a commencé comme ça. Est-ce qu'un certain nombre d'anges rebelles viennent vous voir ici? Il y en a qui m'ont reconnu. Ouais, ouais. J'en ai vu un qui m'a regardé là dans l'église il n'y a pas très longtemps, qui m'a reconnu. Et puis je voyais bien, il voulait me parler, il a longtemps hésité. Et puis, d'un moment de temps, il est revenu par la petite porte. Et puis il est venu directement sur moi. Il m'a dit, dites donc, vous n'êtes pas Monsieur Henri de Fleury? Ah, j'ai dit, j'étais, c'est fini tout ça. Et il s'est effondré sur mon épaule en pleurs. Alors j'étais un peu gêné, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, je crois que vous ne devez pas vous souvenir de moi. Je lui ai dit, excusez-moi, non, je suis là. 1979, je ne peux pas oublier la façon dont vous m'avez parlé quand je suis tombé en prison. Mais pourquoi vous a-t-on appelé vous? Quel est le sens de votre présence ici? Il y avait un prêtre qui était curé, mais comme c'était un sanctuaire, voulait absolument qu'il y ait la messe. Vous avez été nommé prêtre exorciste. On vous nomme, hein, prêtre exorciste. Oui, je ne m'attendais pas. D'abord, quand le père évêque est venu me demander, j'ai longtemps hésité, parce que je me suis dit, oh là là... Et pourtant, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que le prêtre qui m'a accompagné le plus, Philippe Deschamps, qui était aumônier de l'hôpital Sainte-Anne, et lui avait fait un article qui m'avait impressionné aussi, ça sent le pipi et l'évangile. Pour dire que dans ces milieux un peu de désarroi, il y a une présence du bien, l'évangile qui est là dans ce pipi, qui est le mal, qui est la maladie mentale, qui est la fragilité. Alors j'ai accepté ce poste, comme il y en a dans tous les diocèses, bon, voilà. J'ai donc m'en réfléchi avant, j'ai demandé à Saint-Michel, mais il m'a pas répondu, là, Saint-Michel. Voilà. Mais quand on vient vous voir et qu'on se sent hanté par le mal, comme si c'était pratiquement un objet extérieur, qu'est-ce que ça vient dire? Je ne peux pas oublier ce gamin qui, un jour, en larmes, me dit « Monsieur Henri, ouvre mon crâne, prends une pince et retire le morceau de ma cervelle qui me fait faire le mal. » Vous n'êtes pas ce chirurgien-là? Ah non, non, non. Chirurgien, c'est Dieu. Mais on a besoin de... On a toujours besoin d'une médiation, je pense. Et l'homme cherche une médiation. Je pense que c'est ça. Moi, je crois beaucoup à la présence de quelqu'un qui, sans rien dire, on sait qu'il est là, nous aide à traverser. Comme l'archange, on sait qu'il est là. Alors, quelle forme ça prend après, ça, c'est plus compliqué. Hein. Ça reste du cheminement de chacun, ça reste des rencontres, ça reste... De ces choses indéfinissables de la vie. On sait bien que quand on pose une question à quelqu'un, on a la moitié de la réponse. Mais qu'est-ce qu'on veut quand on pose la question à l'autre? C'est comme une certaine résonance entre ce que je pressens et ce qu'il va me dire sur cette question-là. Et je crois que c'est ça, c'est mettre en mouvement les gens pour se rendre compte qu'eux aussi peuvent délivrer d'autres du mal par leur façon de faire, leur présence. Vous n'êtes pas un prêtre exorciste qui accomplit des miracles. Vous semblez être plutôt assez modeste dans ce que vous dites pouvoir apporter aux personnes qui viennent vous voir. Pourquoi j'aurais un pouvoir? Parce que l'évêque me demande d'assurer ce service. Mais si j'avais un pouvoir extraordinaire, à ce moment-là, il y aurait la queue à la porte. Mais les histoires d'exorcisme, comme vous voyez dans les films, tout ça, voilà, c'était une époque. Voilà. Par ordre d'apparition, Pierre Bouet, François Saint-James, Xavier Bailly, Père Iton. Lecture d'Adrien Melin. Prise de son, Olivia Granger. Attachée d'émission, Marie-Yvonne Abolivier. Au mixage, Bernard Laniel. Spiritualité et légende au Mont-Saint-Michel. Une émission de Nejma Bouakra, réalisée par Laurent Polleret. Coordination, Perrine Quévron.